il attire la moitié des humains. Dévore les campagnes, ont beaucoup de bambins. Concentre richesse et activité. Certains les fuient, d'autres partent y loger. La croissance urbaine n'est pas ralentie. Dans les pays pauvres, vu chez les nantis, la ville sépare les communautés. Les gens très friqués et les mal payés cumulent les problèmes de pollution, déchets au logement, circulation. Soyez urbain. Soyez urbain. J'ai visité Bombay et Malomé, des villes de pays peu développées. J'aime bien voir le vieux quartier colonial, ses rues encombrées et commerciales, ses vieilles habitations européennes qui jouxtent le quartier. La ferme moderne, tout proche des immeubles bien entretenus, accueille des populations très cossues. Les pauvres fabriquent leur logement dans des bidonvilles sans équipement. Soyez urbain. Soyez urbain. Je travaille dans le bureau d'un gratte-ciel, c'est génial pour profiter du soleil. Dans le CBD, plus on est haut placé, plus on a une situation élevée. Le soir, je rentre en prenant l'autoroute, je gagne ma maison, je casse la croûte. Après avoir traversé les ghettos où personne ne traîne en auto. Vivre en banlieue pour un Américain n'est vraiment plus un rêve pour certains. Soyez urbain. Soyez urbain. Soyez urbain. Soyez urbain. J'aimerais bien habiter à Paris. C'est si romantique, c'est super joli. J'adore ces vieux quartiers, ces boutiques, la tour Eiffel, le Louvre, les femmes chics. Travailler ici, c'est sûr, y'a pas mieux. Tant qu'on ne doit pas loger en banlieue, car si les immeubles n'y sont pas très hauts, même en hiver, le climat reste chaud. Pour être tranquille, faut être urbain, avoir une voiture et de bons voisins. Alors soyez urbain. Soyez urbain. Soyez urbain. Soyez urbain. Soyez urbain. Je pense qu'il eût été préférable de dire soyez urbains. C'est bon, c'est un cours d'histoire géo, pas un cours de français.